Bonsoir à tous et bienvenue au Carnet d'Aviation. On est les moitiés de Jazz Manouche. Thank you. Thank you. Thank you. Juliette est appelée pour Balmire. I'm Bon bah j'espère que vous avez apprécié, mais je viens vous regâcher l'ambiance une petite fois. Pour dire qu'il y a une dame en fait qui attend pour partir. S'il vous plaît. En fait il y a une 206 plus qui empêche une dame de partir, c'est l'immatriculation BT954. 206 plus, en fait elle est vraiment garée n'importe comment et la dame peut pas partir. Donc voilà, s'il vous plaît. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

à la fin qui partie, il n'a pas tout en train de se murger, ils nous ont abandonnés.